baby, toi et moi. Ce soir, il faut que l'on se voie. J'ai succombé la première fois. Je te laisse le choix. Pourquoi, comment, l'heure et l'endroit. Laisse-toi aller. On n'est pas peur. Ce soir, il faut que l'on se voie.